là ça pour qui je bosse, qui je représente. Donc conforme, conforme. Les flas ça pour qui je bosse, qui je représente. Les flas ça pour qui je bosse, qui je représente. Donc conforme, conforme. Le hip hop pour tous les jeunes de la rue. Ma réaction sur instrumental, molécule en fusion. Yes, yes, yo, sur le beat, yo. Yes, yes, yo, sur le beat, yo. Le pouvoir est actuellement dans nos mains. Donc baby, toi de la force que l'on détient. Les flas ça pour qui je bosse, qui je représente. Donc conforme, donc conforme. Les flas ça pour qui je bosse, qui je représente. Les frères ça pour qui je bosse, qui je représente. Donc conforme, donc conforme. Faire briller la gloire du rap. Telle est ma mission, telle est ma mission. Quel que soit le type de musique, y'a pas plus physique. Hip hop, mon royaume. De nouveau, j'ose le niveau. Je veux, je dois faire du chiffre avec moi. Les frères, ça pour qui je bosse, qui je représente. Non conforme, non conforme. Les frères, ça pour qui je bosse, qui je représente. Les frères, ça pour qui je bosse, qui je représente. Non conforme, non conforme. Faire briller la gloire du rap. Quelle est ma mission, quelle est ma mission.